Radiomatic. Pour amorcer la transmission 438 d'Audiomatic, les sonoristes ont choisi de vous présenter la musique du groupe suédois Arcana. De son troisième album intitulé The Last Embrace et paru en 2000, nous entendions la chanson-titre. Et maintenant, à Audiomatic, nous poursuivons cette fois avec le groupe français Aquam Tristis. Benedictum. Yeah. Il s'agissait à Audiomatic de la formation norvégienne Icon of Coil, de son premier album Serenity is the Devil, lancé en 2000. Nous entendions la chanson Situations Like These, à laquelle participe la chanteuse Benedikt Svensson, qui se fait également connaître en tant que Computer Girl. Précédemment à Icon of Coil, nous avions droit au groupe allemand KMFDM et sa chanson Today, extraite de son 11e album studio, Adios, qui se voulait être le dernier album du groupe lors de sa parution en 1999, mais le groupe s'est reformé dès 2002. Et pour débuter ce bloc musical, c'était le groupe français O Quam Tristis, et sa composition Sit Nomen Domini, tirée de son premier album Funérailles des petits-enfants, sorti en 2000. Mentionnons que le groupe O Quam Tristis est une collaboration entre les membres des formations Opéra Malti Steel et Collection d'Arnel Andrea. Toujours à Audiomatic, nous entamons maintenant un voyage de 25 minutes. D'abord avec Cabaret Voltaire et ensuite Recoil. Thank you.

We'll be right back. Audiomatic, cette séquence musicale composée de deux longues pièces se terminait avec Recoil, le projet solo d'Alan Wilder, évidemment ancien membre de Depeche Mode ayant quitté le groupe en 1995. Toutefois, cela faisait déjà quelques années que Wilder était actif avec Recoil, depuis 1986 en fait, et justement la pièce que nous avons entendue intitulée One apparaît sur le premier album qui se nomme tout simplement One Plus Two et qui comprend deux longues compositions. Avant Recoil, nous entendions une pièce de la formation Cabaret Voltaire dans son époque davantage techno, c'est-à-dire majoritairement dans les années 90, de l'album International Language, paru en 1993, nous avons écouté la pièce Taxi Mutant. En conclusion de cette transmission 438 d'Audiomatic, nous avons décidé de vous faire entendre la musique du duo autrichien Mind in a Box. De son premier album Lost Alone, lancé en 2004, nous écouterons la chanson Leave. Les sonoristes poursuivront la transmission d'Audiomatic mercredi prochain dès 17h en direct du studio de la radio CFOU 89.1 FM avant de transférer dans les univers numériques dont une des portes d'entrée constitue notre profil facebook.com/audiomatic-CFOU. Voici donc Mind in a Box et la chanson Leave. C'était Audiomatic avec les sonoristes.